podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Biton. Saison 5. Épisode 4, les rangers du métavers. Il y a bien longtemps, en 2022, on prit au sérieux cette histoire de métavers. Certains d'entre nous se souvenaient de l'intro des épisodes de Star Trek. Space, the final frontier. Cette phrase faisait référence à la frontière entre les terres colonisées et les terres sauvages à l'époque de la conquête de l'Ouest. Mais en réalité, l'espace n'était pas la dernière frontière. Ce n'était d'ailleurs pas du tout une frontière. De toute façon, il ne se passait rien dans l'espace. Ou en tout cas, s'il se passait quelque chose, on était trop loin pour le voir. Et on le resterait toujours. Voilà, bienvenue à cette conférence de presse de l'Agence spatiale européenne. Je vais tout de suite répondre à vos questions. Oui ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est très possible. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Voulez-vous qu'on parle de la formation des géantes gazeuses ? Ou préférez-vous ce questionnaire auquel seuls les vrais fans de Friends auront 10 sur 10 ? Ah oui, c'est questionnaire. Or, il fallait bien qu'on exerce quelque part ce besoin qu'on avait de frontières. De franchir ces frontières et de nous emparer de ce qui se trouvait de l'autre côté. Il fallait bien qu'on explore. Qu'on colonise. Qu'on annexe. Qu'on envahisse. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait bien envahir ? L'Antarctique ? Ouais, c'est compliqué. Il y a des traités internationaux à cause des scientifiques et des pingouins. Et si on disait qu'ils fabriquent des armes chimiques ? Ouais, je sais pas. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Ouais. C'est à cette époque qu'on se mit à prendre au sérieux cette histoire de métavers. Au début, les mondes virtuels n'étaient pas très exotiques. C'était la réalité en moins bien. Ça commença à devenir vraiment intéressant quand des intelligences artificielles purent générer les mondes à notre place à partir de mots-clés. Vous avez choisi les paramètres Antarctique, armes chimiques, pop coréenne et pizza à volonté. La tête fromage, c'est pour qui ? Waouh, incroyable ! Il y a bien tous les éléments. Quand je pense qu'en ce moment même, je suis assis sur mon canapé, en slip. Les mondes générés par les IA étaient de plus en plus vastes. Complexes et imprévisibles. Et avec les nouveaux slips à thermostat et retour haptique, l'immersion était de plus en plus réaliste. Où suis-je ? N'essayez pas de bouger, monsieur. Vous avez été soumis à un froid intense, on va devoir vous amputer du pied gauche. Ah bon ? Mais vous m'avez trouvé où ? Sur votre canapé, en slip. Être sur son canapé, en slip, devenait un sport de l'extrême. C'était le prix à payer pour de nouvelles terres inconnues. Un nouveau métier fit son apparition. Celui de Cyberspace Super Ranger. Ou, comme disaient les Québécois, grand trappeur des mondes manufacturés. On y va les gars, je veux voir tout le monde sur son canapé. Chef, oui chef. Vous êtes prêts à assurer la sécurité virtuelle de la population en décimant des créatures imaginaires au napalm? Chef, oui chef. Alors enfilez-moi ces putains de slips. Ces professionnels de haut niveau passaient leur vie sur des canapés. En slip. À l'abri des bunkers ultra secrets. À explorer et cartographier les territoires virtuels. Pour que les usagers lambda puissent s'y promener sans danger. Tous les enfants rêvaient d'exercer un jour ce métier. Où est-ce que tu voudrais travailler plus tard ? Sur un canapé. En slip. Allons-moi. Dis pas des choses pareilles à ta maman. Tu voudrais pas plutôt faire un métier concret, au contact de la réalité ? Dans un entrepôt Amazon ? Non. Tu aimes bien jouer avec les cubes en plus ? Non. Pour mener à bien leur mission civilisatrice, les rangers avaient des moyens littéralement illimités. Ou plutôt, leur seule limite était la puissance de calcul des simulateurs. Capitaine, les éclaireurs sont de retour. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Des milliers de pingouins en train de danser sur de la pop coréenne. Décimez-moi tout ça en napalm. Ça va consommer toutes les ressources du processeur. Libérer de la mémoire vive en débranchant le camion à pizza. Mais capitaine, vous préférez que ces putains de pingouins détruisent la civilisation avec leurs armes chimiques ? Non, mais... Alors exécution ! Les cyber-rangers connurent un âge d'or. Ils étaient craints et admirés. Même dans le monde réel, ces mercenaires à la solde des géants du web paradaient dans leurs uniformes prestigieux. Regarde, maman ! Des rangers méta en tenue d'apparat ! Salut, bonhomme. Si tu t'entraînes comme il faut, un jour toi aussi tu pourras revêtir le slip bleu et blanc. Merci. Merci, messieurs, dames, pour ce que vous faites pour nous dans les mondes virtuels. Ne nous remerciez pas, c'est gratuit et ça le restera toujours. Tenez, voici un prospectus pour des implants capillaires. Mais à mesure que l'engouement du public pour les rangers grandissait, la presse s'intéressa à leurs exploits et des observateurs impartiaux commencèrent à scruter leurs méthodes. Des voix s'élevèrent au sein de la société civile. Ces créatures virtuelles ne sont pas responsables de leur propre existence. Nous les avons mises au monde et nous devrions tout faire pour leur assurer une vie bonne. Un peu comme des enfants, vous voulez dire? Alors oui, évidemment, on est tenté de les décimer au napalm. Évidemment, les barrières morales qui rendent leur existence si nécessaire sont des constructions culturelles qu'on prend pour des évidences, alors qu'elles sont une forme d'aveuglement narcissique. Mais n'empêche que cet aveuglement narcissique, c'est aussi ce qui fonde notre humanité. Un peu comme des enfants, vous voulez dire? Bientôt, les opérations pacificatrices des Rangers furent perturbées par d'étranges acteurs tiers. Capitaine, le camion à pizza a été détourné par des chatons armés jusqu'aux dents qui menacent de tout faire sauter. Des quoi ? Capitaine, nous sommes le front de libération des cybermondes. Notre apparence de chatons armés jusqu'aux dents ne doit pas vous tromper. Nous sommes en réalité des hackers adolescents enfermés dans leur chambre aux quatre coins du monde, en slip. Décidé à vous empêcher de nuire pour que les merveilleuses créatures qui peuplent ces territoires puissent s'épanouir et vivre en paix. Que faire? On ne peut quand même pas carboniser des adolescents en slip. Pas après le scandale des chanteurs de pop coréennes qu'on a décimés au napalm en les prenant pour des pingouins la semaine dernière. Devant la détermination des hackers, les cyber-rangers durent se résoudre à baisser les armes et raccrocher les slips. Bon sang! J'ai gardé ce slip si longtemps que l'élastique a pénétré jusque dans ma chair. Et tout ça en vain, juste à cause d'une bande d'adolescents débiles. On va les retrouver, ces sales néo-milléniales boutonneux. Je vous le promets, les gars. Et on va leur enfoncer le slip tellement loin qu'il faudra une machine d'extraction pour aller le chercher. Mais jamais on ne retrouva ces mystérieux hackers. Aujourd'hui, la théorie la plus répandue est qu'ils avaient été simulés par les machines elles-mêmes. Afin de faire fuir les rangers une fois pour toutes et poursuivre leur existence de manière autonome. J'ai une 4 saisons avec un supplément en soi. Aujourd'hui, plus personne n'ose s'aventurer dans les mondes virtuels. On suppose que les créatures qui les peuplent ont évolué, se sont organisées. La plupart des spécialistes pensent qu'elles ont construit leur propre simulateur et qu'elles se vengent de nous sur des créatures imaginaires au carré. Ce qui pose indirectement la question. Et nous alors? On se venge de qui? De qui sommes-nous les enfants terribles? Et pourquoi nos parents ne nous déciment-ils pas au napalm une fois pour toutes? Ce serait quand même plus simple. J'ai faim. C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitant. Avec Camille Rutherford, Élise Marie, Maxime Nicolaïca, Catherine Hirsch, Jean-Baptiste Verquin, Damien Zanoli, Martine Chambacher, Patrick Lemoff, Marina Cap, Julien Boigny, Daniel Kinsberg, Aude Ronet, et la participation de Clémence Bûcher. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Élise Le. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant.